59 me gras. Oh ouais. Psycho, Pianso, Giclo, Melki Pouyazou, Alilou. 59G. DJ Wallace, DJ Nash P. Rodka, Lotfi, Almaka, ouais ouais, Roubaix, c'est un strike sur la France parfumé à la ganja. On va mettre les putains de Réjalou et les Ramja. Je suis qu'un étranger engagé dans le rap français. Les MC dégagés, laissez la place aux petits de la cité. Je sais que chez nous, c'est la demeure. Pour des sous, on devient fou, on te nique ta mère, bave tout. Vas-y, j'arrête ton pétard, ton cigare comme Rodka. On veut des dollars, donc on met des as-bas. Certains font des cash-bras, d'autres en cash, perdu ça. Pour continuer tout le mois, c'est que le gramme, c'est pour les dollars. Les sales gosses, payeurs de star. Pour ça, l'Allemand, on bombe le torse, on voit la dose de THC. Que je m'envoie le seul, nique les supplés RG. Je suis venu fermer tes gueules. Foot, ton spell, Pianso, je te laisse KO. Tu tombes dans les appels, moi j'ai les gros contre les creux. Faut des euros, donc j'arrache des caisses, moi je pense comme Rocco. Je veux le cul de ta rush, leur politique sarco. Ouais, je m'en bats les secs, je pense à ma clique, mon futur et mon petit rêve. C'est un strike sur la France, parfumé à la ganja. On va mettre les putains de riches à nouer les rames. C'est un strike sur la France, parfumé à la ganja. On va mettre les putains de riches à nouer les rames. J'ai les rames, j'ai les rames, j'ai les rames, j'ai les rames, j'ai les rames. Et ouais, Ali, ici y'a pas de Rémi. C'est pour ça que des petites embrouilles peuvent se terminer en affaire de famille. C'est la famine et trop sont affamés, enflammés. Quartier fameux réputé pour être dangereux. J'ai un strike sur la France, parfumé à la ganja. On va mettre les putains de riches à louer les rames. J'ai un strike sur la France, parfumé à la ganja. On va mettre les putains de riches à louer les rames. Je suis un DJ, on blague à le bichelet. Ou ceux qui représentent et qui sont présents. Quand ça part en clé, ou même s'il y a pas de thème. 59 grammes, blasphème le système. Même si tu dis qu'on serait seul, on continue. Pour ceux qui nous ont toujours soutenus, viens pas tester Briggs, ou tu vas rentrer chez toi tout nu. T'es prévenu dans le rap, on veut pas rester inconnu. J'en place une aussi pour les détenus. J'suis plus qu'écrou le micro avec les gros, même si ça rapporte rien. Un dit rien, galère rien dans cette vie de chien. Le monde part en couille, mais on se débrouille. Venez pas avec mes scars là, ou on dépouille. C'est anti-radar qui parle mal de mon crew. Qui voudrait nous voir tard ou pourrir dans un trou. C'est pas un trou, j'vais les faire taire. Jaloux, nique ta mère. De riposter. Ils sont pas sûrs de toi, malgré tu pourras déraper. Mais sache qu'au fond du trou, y'a pas moyen de s'agripper. Car je suis cet insecte qui te pique sans que tu rappliques. Récaner des clics. Ah mec, toi qui ne classe, t'es au jaloux, je te fais ta fête. Deux sur la cachette, dans l'autre main, j'ai une machette. Car je vais dérouper la ville des loups-garous, là où la mise sort de son trou. Et tu